commence. Donc bonjour à vous tous. En cette journée symbolique du 5 mars, nous allons avoir trois interventions et bienvenue à vous dans l'éducation populaire. En premier lieu, Léa, ici présente, va nous parler de pourquoi les bébés savent ce dont ils ont besoin. Puis après, Patrick va nous parler d'économie et sociale, une régie de quartier, pourquoi faire. Et pour finir, à 18h, Geoffrey nous parle du 32 au 100 mars, Nuit debout, l'affirmation de nouveaux acteurs. Je vais laisser maintenant la parole à Léa, qui pendant une vingtaine de minutes va parler de son sujet. Et après, comme d'habitude, il y aura un débat où vous pourrez poser toutes les questions possibles. Merci Éducation Populaire. Merci beaucoup de faire ça, c'est une super initiative. Alors... Donc, je suis venue vous parler d'un livre, en fait. Ce livre, Le concept du continuum à la recherche du bonheur perdu, écrit par Jean Lidloff en 1960, enfin édité en 1975, première édition. Il m'a été offert il n'y a pas très longtemps par mon père, qui est impatient d'être grand-père et qui m'envoie des petits messages subliminaux de temps en temps. Et donc ça rejoint cet intitulé que j'ai donné à mon exposé qui est « Les bébés savent ce dont ils ont besoin ». Pour vous situer par bébé, j'entends de 0 à 3 ans. Parce qu'il parle énormément d'échange, avant tout d'instinct, d'échange et de confiance en soi et en son enfant, comme base de l'éducation, dès la naissance. Ce livre m'a touchée. Parce que j'ai reconnu mon éducation dedans. Bien que ma mère ne l'ait pas lu, elle a lu d'autres livres. Elle a lu Dolto, Tout est langage. Elle a lu Libre enfant de Summer Hill. Elle avait lu aussi... elle avait vu une vidéo intitulée Monsieur Bébé qui faisait le rapprochement avec l'éducation à l'africaine. Et lu aussi Les compétences du nouveau-né. Ce qu'elle a retenu de tout ça... C'est avant tout, avec le vent, je vais un peu galérer. Ce qu'elle a retenu de tout ça, c'est avant tout la notion d'instinct, donc s'écouter, écouter son bébé, savoir interpréter ses signaux. La notion de plaisir aussi, d'échange, qu'on allait avoir autant de choses à s'apprendre mutuellement. Et la confiance en soi, en moi. Et ce qui l'a touché aussi sur l'éducation à l'africaine, c'était cette idée d'être porté, du contact physique, d'être toujours en lien avec son enfant, ou que l'enfant au moins soit en lien avec quelqu'un, en permanence et pas laissé dans le néant. Donc c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ce livre, qui parle d'éducation entre autres. Éducation, pour moi, le lien avec l'éducation ici, c'est de poser les bases dès la naissance. Et un enfant qui peut se construire sur une bonne base, c'est un futur adulte qui aura les moyens de continuer à s'éduquer lui-même et à transmettre. Donc dès la naissance, c'est hyper important. Avant de commencer, je vais lire quelques extraits et essayer d'expliquer au mieux ce que j'en ai compris. Je vais vous demander quelque chose, car il s'agit d'un sujet aussi sensible que merveilleux. Et qui peut être rêche aussi, et voire blessant, parce qu'on est tous concernés et qu'on risque de se sentir visé ou fragilisé dans la façon dont on a nous-mêmes éduqué nos enfants ou dont on a été éduqué. Donc je vous demande d'essayer de vous oublier pendant cet exposé et d'oublier votre histoire et tous les conseils dont on vous a farci la mémoire. Je vous demande d'essayer d'écouter d'une oreille nouvelle, d'une oreille de philosophe, d'une oreille d'enfant. En fait, je vais vous lire un premier extrait à propos de l'éducation d'aujourd'hui et ce qu'il faut éviter en fait. Faut pas confondre ce que le livre après tout ce dont je vous ai parlé, faut pas le confondre avec ça, qui est le côté permissivité et enfant roi. Ouais. Elle en parle très bien et c'est absolument ce qu'il faut éviter. Alors, premier extrait. Il est très probable qu'un parent pouponnant toute la journée se lasse et lasse les autres, et que de surcroît, il s'occupe de son enfant de façon inadéquate. Un bébé a besoin de participer à la vie active d'une personne, d'être en contact physique permanent avec elle, et d'être éveillé aux expériences qu'il rencontrera pour plus tard. Ce bébé, dans les bras, a un rôle passif, mais tous ses sens sont en éveil. Il aime, à l'occasion, être l'objet d'une attention directe. Il aime qu'on l'embrasse, qu'on le caresse, qu'on le lance en l'air. Mais son occupation principale consiste à être témoin des comportements, des rencontres et de l'environnement de la personne qui s'occupe de lui, adulte, parent ou non. Ces informations le préparent à prendre sa place parmi ses semblables en toute compréhension de son rôle par rapport à eux. Contrecarrer ce puissant besoin en donnant à un bébé toute votre attention, centrée sur lui, alors que toute la sienne est centrée sur vous, engendre en lui une profonde frustration et asservit son esprit. Son attente d'un personnage central, fort et actif autour duquel il gravite est en effet minée par une personne servile, dépendante au niveau émotionnel et qui cherche à être acceptée et approuvée par son bébé. Ce dernier émettra de plus en plus de signaux, non pas dans le but de recevoir plus d'attention, mais pour participer davantage à une activité centrée sur l'adulte. La majeure partie de la frustration exprimée par un tel bébé provient de son incapacité à provoquer à partir de ces signaux de détresse quelque chose de correct. Plus tard, les enfants les plus frustrés et les plus contrariants se comporteront de manière asociale pour signifier qu'ils veulent qu'on leur montre comment coopérer. La permissivité prive constamment les enfants de la notion d'une vie centrée sur l'adulte où ils pourraient trouver la place qu'ils cherchent, où leurs actions désirables seraient acceptées et leurs actions indésirables rejetées, alors qu'eux-mêmes seraient toujours acceptés. Il ne faut pas mélanger le rejet de la personne et le rejet d'une action ponctuelle. Les enfants ont besoin de voir que les adultes sont convaincus de leurs bonnes intentions, qu'ils sont des êtres naturellement sociables, qui essayent de bien agir. C'est comme ça qu'on les pousse à se former dans ce sens, bien sûr. Ils réclament à leurs aînés une relation de confiance pour être guidés. Un enfant cherche à savoir ce qui est bien et ce qui est mal. S'il casse une assiette, par exemple, il a besoin de constater une certaine colère ou tristesse vis-à-vis de cette destruction, mais pas de se voir baisser lui-même dans l'estime de ses parents. Comme s'il n'était pas assez triste lui-même ou fâché contre lui, et comme s'il n'avait pas pris de lui-même la décision d'être dorénavant plus prudent. Pour donner un exemple extrême, j'ai connu une jolie petite fille qui est de 2 ans et demi, éduquée de la manière, donc les parents tout le temps, veux-tu avoir ça, veux-tu faire cela, qu'aimerais-tu manger, veux-tu t'habiller, veux-tu que maman fasse quelque chose pour toi, etc. Là, vraiment à fond, en foi roi. Cette petite fille ne souriait jamais. Tout ce que ses parents lui proposaient pour lui faire plaisir se soldait par des signes de mécontentement et de refus obstinément répétés. Moi, j'en ai déjà rencontré des enfants comme ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais là, elle n'invente rien. Plus elle les rejetait, plus ils étaient à ses pieds. Ce cercle vicieux ne faisait que s'amplifier. La fillette n'obtenait jamais de ses parents qu'ils lui montrent l'exemple afin qu'elle puisse en tirer des leçons. Ils la prenaient en effet sans arrêt pour leur guide. Ils lui auraient donné tout ce qu'elle voulait, mais ils ne comprenaient pas son réel besoin d'être avec eux en tant qu'adultes, vivant leur vie d'adulte. En fait, notre but, en tant que parents, c'est d'accompagner un être dans son évolution vers sa vie autonome. Donc, la meilleure manière d'éduquer, c'est de montrer, c'est l'exemple. Typiquement, faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça fonctionne pas du tout. On a tendance à suivre l'exemple. Voilà, donc, rapidement, pour présenter l'auteur, son livre paraît en 1975, donc Jean Lidloff, d'origine états-unienne. Son livre paraît en 1975 après de nombreux voyages en Europe et au cœur de la jungle amazonienne vénézuélienne. Et après avoir été rédactrice de la revue The Ecologist de 1968 à 1970. Elle s'est retrouvée dans la jungle amazonienne vénézuélienne en suivant 2 chercheurs de diamants italiens. Puis elle eut envie d'y revenir parce qu'elle s'y est sentie bien. Et ce livre est né de ses observations sur l'éducation particulière des enfants de là-bas comparée à l'éducation des enfants en Occident. Ça lui a amené plusieurs questions, notamment comment se faisait-il que ces enfants qui étaient finalement pas vraiment éduqués comme nous on l'entend, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, eux ils étaient juste intégrés à la vie, dans le rythme de vie au quotidien des parents, et ça suffisait à en faire des enfants calmes, dociles, pas du tout agressifs, pas du tout de caprice, pas du tout de compétitivité par rapport aux autres enfants, et même une réelle envie de participer à la communauté à partir d'un certain âge, c'est en moyenne 4 ans. Une réelle envie d'être utile à la communauté. Donc elle s'est demandé, mais comment se fait-il que nous, on arrive, malgré tous nos efforts, on n'arrive pas à ça. Quel est le secret de cette éducation? Donc elle a fait plusieurs fois ces voyages dont elle parle. Ce livre, c'est aussi un récit de voyage et aussi quelque part un traité philosophique. Parce que donc il y a ce récit philosophique et ce traité d'éducation amené par l'éducation au sein des familles Yekwana. C'est donc les familles de la tribu où elle a été hébergée la plupart du temps et qu'elle a suivi dans leur quotidien. Donc je vais vous lire un deuxième extrait pour vous présenter le postulat de base. Donc c'est vraiment par l'observation de qu'est-ce que vient un enfant dans son quotidien, un enfant Yekwana. Durant la phase dans les bras, c'est-à-dire la période entre la naissance et l'exploration à quatre pattes, un bébé emmagasine de l'expérience. Grâce à elle, il répond à ses attentes innées qui cèdent alors progressivement la place à de nouvelles attentes ou de nouveaux désirs qu'il satisfera en leur temps. Lorsqu'il est éveillé, il ne bouge que très peu. Il demeure détendu et passif. Ses muscles ont du tonus. Il n'adopte pas la position de marionnette recroquevillée qui est la sienne pendant son sommeil, mais économise son énergie en effectuant que les mouvements strictement nécessaires pour prêter attention aux événements qui le concernent à chaque stade, pour manger et pour déféquer. Il a aussi pour tâche, et elle survient peu après la naissance, de balancer sa tête et son corps dans un nombre infini de positions dans le but d'observer, manger et déféquer en fonction des actions et attitudes de la personne qui le porte. Parce que donc un bébé Yekwana est porté en permanence, que ce soit par sa mère, son père ou d'autres membres de la tribu. Il peut être couché sur les genoux de quelqu'un et en contact occasionnel avec les bras et les mains occupés, au-dessus de lui, à pagayer, coudre ou encore préparer le repas. Ensuite, il peut sentir le genou se dérober sous lui et une main agripper son poignet. Le genou disparu, la main resserre sa prise et l'élève dans les airs pour le ramener contre le buste. La main le lâche alors et c'est un coude qui prend le relais et qui le soutient, en le coinçant contre une hanche ou contre la cage thoracique. La personne peut alors se pencher pour prendre quelque chose à l'aide des deux mains libres, laissant le bébé pendre un instant, et peut ensuite repartir en marchant, courant, marchant à nouveau, en le remuant de haut en bas, à différents rythmes, et en lui donnant toute une série de secousses. Après cela, il se peut qu'il soit confié à quelqu'un d'autre, qu'il perde le contact avec la personne précédente pour découvrir une nouvelle température, texture, odeur, de nouveaux sons. Le bébé peut être à nouveau soulevé par le bras et plongé dans l'eau froide, éclaboussé et lavé. Puis quelqu'un peut, du revers de la main, chasser l'eau jusqu'à ce que le petit corps cesse de dégouliner. S'il y a une fête alors qu'il dort, il est secoué assez brusquement lorsque sa mère danse et saute au rythme de la musique. C'est à ce genre d'événement qu'il est confronté pendant son sommeil de la journée. La nuit, il dort blotti contre sa mère, sa peau contre la sienne, comme toujours, tandis qu'elle respire, remue, et parfois même ronfle un peu. À ce stade-là, il n'effectue encore que très peu de choses. Cependant, ses aventures dans les bras d'une personne active lui font vivre des expériences aussi nombreuses que diverses. Au fur et à mesure de l'évolution de ses besoins, lorsque le bébé a satisfait les précédents, il signale, en fonction de ses impulsions innées, qu'il est psychologiquement mûr et prêt à passer au suivant. Ces signaux sont interprétés correctement par les mécanismes innés correspondants de son entourage, qui font confiance donc à leur instinct avant tout. C'est pour ça que j'ai perdu ma page. Voilà. Lorsqu'il sourit et gazouille, cela suscite d'une part beaucoup de plaisir chez les personnes environnantes, et d'autre part une envie de prolonger aussi longtemps que possible ces plaisantes manifestations. Les stimuli appropriés sont très vite identifiés et répétés, puisque encouragés par la réaction récompensante du bébé. À mesure que la répétition diminue, le degré de plaisir et d'excitation... À mesure que la répétition diminue le degré de plaisir et d'excitation, ces réactions modifient le modèle comportemental de sorte que le plus haut degré de plaisir puisse toujours être atteint. Donc il y a vraiment une notion d'échange et d'écoute. Excusez-moi avec mes papiers. Alors. Avec plaisir. Donc maintenant, le titre du livre, le concept du continuum, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est, rapidement. Alors, elle parle du continuum pour nommer l'ensemble d'aptitudes, de besoins et d'attentes de chacun. Je vais vous lire un extrait qui ne parle pas d'un bébé humain, mais d'un petit singe, pour vous montrer la notion d'instinct, ce que c'est et en quoi c'est inscrit profondément. Et en quoi c'est extrêmement important que l'instinct soit respecté, enfin qu'on puisse être amené à se développer dans les règles de ce continuum. Un singe capucin ramené de ma première expédition dans la jungle avait l'habitude de manger une partie de sa banane que j'avais épluchée au préalable et d'envelopper innocemment ce qui restait dans une serviette en papier. Ensuite, cette petite femelle arpentait la pièce d'un air nonchalant. Soudain, elle découvrait le mystérieux paquet qu'elle avait caché et poussant un cri d'excitation de plus en plus intense, déchirait l'emballage autour de son trésor. Hurrah, une demi-banane! Mais c'est là que s'arrêtait sa mise en scène. Comme elle venait de se rassasier, elle n'avait plus assez faim pour faire un sort à sa récompense. Elle remballait alors le morceau de banane flétri à l'aide des lambeaux de serviettes et recommençait à nouveau son manège. Elle me convainquit que son impulsion, son besoin de dénicher, puis d'ouvrir des objets, renfermant des aliments, comme par exemple la pelure d'un fruit ou la coque d'une noix, n'avait strictement rien à voir avec son besoin de se nourrir. En fait, en croyant bien faire, j'avais perturbé le cours naturel des choses, la chasse et l'épluchage, qui demandait depuis toujours par la nature à ses ancêtres en évolution et qui, par ailleurs, aurait répondu à ses attentes d'expérience. Je pensais lui épargner bien des efforts en épluchant la banane à sa place. Mais à cette époque, je n'avais pas encore compris le continuum. Le singe suivait sa plus forte impulsion d'abord en se nourrissant. Mais vu que cette impulsion diminuait à mesure qu'il se rassasiait, la deuxième impulsion la plus forte entrait en action. Il fallait chasser et dénicher sa nourriture. Les circonstances ne s'y prêtaient pas, puisque la banane était déjà épluchée et visible. Pour résoudre ce problème, le singe mettait lui-même en scène une simulation de chasse. Mais cette femelle ne jouait pas la comédie au moment de déballer. Je suis à peu près persuadée que son rythme cardiaque s'élevait. Elle présentait toutes les manifestations psychologiques d'une véritable anticipation de la satisfaction du besoin de se nourrir, même si le but présumé de cette anticipation, c'est-à-dire manger, avait déjà été atteint. Tout comme chaque élément d'expérience du continuum est simultanément cause, effet et objectif, le véritable but de son comportement à ce moment-là était de satisfaire son besoin de chasse. Donc cette idée de continuum, c'est que tout être vivant, et ce depuis la naissance, a besoin de trouver des réponses à ses attentes. Il faut savoir, il faut se replacer dans le contexte que derrière nous, il y a à peu près 2,5 millions d'années de... Le micro, non, c'est une intervention préparée, etc. Je fais un exposé sur un livre. Ça t'intéresse? C'est le concept du continuum. Je vais continuer mon exposé. Tu peux l'écouter si tu veux. Ok. Donc, faut se replacer... Deux choses. La capacité d'adaptation, la force de la capacité d'adaptation d'un nouveau-né, qui est inclus dans ce concept de continuum. Il faut savoir que quand on naît, on vit énormément de traumatismes. Respirer, entendre notre propre voix, sortir d'un univers liquide et en toute quiétude, avec des lumières et des sons très atténués. Ouais. Il y a un journaliste finlandais qui filme. Oui, pas de souci. Pas du tout. Juste, je vais prévenir la place. Excusez-moi, il y a un journaliste finlandais qui fait un documentaire sur Nuit Debout, donc qui filme. Voilà, s'il y en a que ça dérange, vous pouvez vous mettre sur un côté particulier et on lui spécifie. Si ça dérange personne, le journaliste continue à filmer. Est-ce que ça vous va ou... C'est bon pour tout le monde ? Ok. Merci. Donc, en naissant, on vit quand même beaucoup de traumatismes, hein, la respiration, la mise en route du système digestif, les bruits, les odeurs, les sons, les lumières, les... Mais on les traverse. Pourquoi ? Parce que par des centaines de milliers de générations avant nous, on est préparé à tout ça. C'est ça, le continuum, c'est tout ce qu'on s'attend à vivre. Et donc pour elle, hein, c'est pratique ce terme, parce que du coup, une fois qu'on a compris, hop, ça fait un mot au lieu de réexpliquer à chaque fois. Et pour elle, porter son bébé, ça fait vraiment partie de ce continuum. Pourquoi ? Parce que imaginez-vous, il y a 2,5 millions d'années, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand il n'y avait pas toute cette sécurité, le bébé, bah, fallait qu'il soit en permanence dans le giron d'un de ses aînés. C'était une question de survie. Il était porté en permanence. Donc ça, c'est inscrit en nous, d'une part, et d'autre part, parce que quand on naît, on n'est pas terminé. Il y a des études là-dessus. Un bébé n'a pas conscience qu'il est un individu à part entière avant 6 mois déjà. Donc jusqu'à 6 mois, en fait, on sort du cocon, mais ça, c'est avec l'apparition de l'homo, le type homo, il y a à peu près 2,5 millions d'années, le temps de gestation est passé à 9 mois à cause de la gravité terrestre. Avant, c'était plus long. Donc, à mon sens, et c'est pour ça que ce livre est très intéressant, et c'est pour ça que ça rejoint cette idée d'éducation, tout être vivant, et ce depuis la naissance, a besoin de trouver des réponses à ses attentes, et de pouvoir conserver ses instincts, et de les faire évoluer en harmonie avec sa nature profonde. Elle l'explique très bien dans ce livre. Pour revenir sur aussi les capacités d'adaptation, vous avez peut-être entendu parler de tous ces enfants qui ont été éduqués par des animaux. Il y en a une qui est encore vivante, qui s'appelle Oksana, qui est ukrainienne, Oksana Malaya. Et elle a grandi parmi les chiens pendant 5 ans. Et aujourd'hui, elle est en hôpital psychiatrique, elle a réussi à se réadapter à la vie humaine. Mais de 3 à 8 ans, ça a été... Un chiot, en fait, dans son comportement. Vraiment, elle s'est complètement réadaptée au mode de vie des chiens et elle a vécu dehors, etc., nourrie par des chiens. Donc, il y en a plein des comme ça. Et quand on regarde aussi, ne serait-ce que l'adoption, un enfant adopté, il va totalement se conformer à l'éducation qu'il reçoit de ses parents adoptifs, même si c'est à l'autre bout de la planète. J'ai moi-même rencontré une Auvergnate du plus pur style, avec une magnifique peau d'ébène. Elle était superbe et elle était complètement auvergnate. Donc, en guise de conclusion et concrètement, avant de vous lire un dernier extrait, il se peut qu'on vous rétorque que vous êtes esclave de votre enfant. Parce qu'on confond cette idée d'enfant roi que je vous ai présentée au début avec cette idée de continuum qui consiste à être disponible en permanence pour son enfant, mais qui en réalité, on s'en rend compte, ne réclamera pas grand-chose du moment qu'il est porté, qu'il est dans les bras de quelqu'un et qu'il se sent en sécurité. Finalement, il sentira que c'est sa place et il sera un observateur passif. Je vais vous lire un dernier extrait sur l'éducation occidentale. Pour bien montrer le décalage. Souvent, dans les pays évolués, il est courant, en attendant une naissance, de se procurer un livre sur l'éducation. Il se peut que la mode... Alors, il faut rappeler qu'il a paru en 1975, donc il a été écrit il y a assez longtemps. Il se peut que la mode demande de laisser pleurer le bébé jusqu'à ce que son cœur se brise et qu'il arrête de pleurer, qu'il s'engourdisse et devienne un bébé sage. Parfois, on demande à la mère de ne sortir son bébé du berceau que quand elle en a envie et n'a rien d'autre à faire. Une récente école de pensée propose de laisser le bébé dans un vide émotionnel et de ne le toucher qu'en cas de réelle nécessité, de ne rien laisser transparaître sur son visage, aucune joie, aucune admiration, aucun sourire, seulement un regard froid. Quelles que soient ces méthodes, les jeunes mères lisent et obéissent. Elles ne font confiance ni à leurs compétences innées, ni aux raisons qui poussent le bébé à émettre des signaux pourtant parfaitement clairs. Le bébé est devenu une sorte d'ennemi que la mère doit vaincre. Il faut ignorer ses pleurs pour lui montrer qui est le maître. Leur relation est basée sur l'idée que le bébé doit à tout prix se conformer aux volontés de sa maman. Lorsque son comportement est source de travail ou de perte de temps, ou est perçu comme inopportun, on affiche ostensiblement mécontentement, désapprobation ou autre manifestation de retrait d'amour. Tout cela sous le prétexte qu'on le gâterait en satisfaisant ses désirs et qu'on le socialiserait ou le soumettrait en s'y opposant. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire qui se passe. Un bébé n'est pas un manipulateur en puissance. Ça, combien de fois on l'entend encore aujourd'hui ? Un bébé, c'est un être rempli de confiance, débordant d'amour, qui a juste besoin qu'on l'accompagne. Le changement au sortir de son cocon est gigantesque. Mais comme nous l'avons déjà vu, le bébé vient au monde paré pour le grand saut, de l'utérus au bras de sa mère. Il n'a pas été préparé à un saut plus grand, et encore moins à se retrouver dans le néant, la non-vie, perdu dans un panier rempli de tissus, ou dans une boîte en plastique, sans mouvement, sans son, sans odeur, ou sans sensation de vie. À l'époque où nos ancêtres se déplaçaient encore à quatre pattes et avaient des poils auxquels le bébé s'agrippait, c'était à ce dernier de veiller à maintenir le contact avec sa mère. Sa survie en dépendait. Au fur et à mesure que notre pilosité s'est réduite et que nous nous sommes redressés, les mains de la mère se sont libérées. C'est depuis lors à cette dernière d'assurer le contact avec son bébé. Le fait que récemment, à certains endroits du globe, elle en prenne ou non la responsabilité, ne change rien au besoin primordial pour le bébé d'être porté. Si elle choisit de ne pas porter son enfant, la maman se prive elle-même d'une précieuse partie de l'expérience qu'elle peut attendre de la vie. Le plaisir qu'elle en aurait retiré l'aurait encouragée à se comporter de la manière la plus gratifiante pour elle et son bébé. L'état de conscience d'un nouveau-né change énormément lors de la phase dans les bras. Au début, il ressemble plus à un animal qu'à un humain adulte. Au fur et à mesure du développement de son système nerveux central, il devient plus précisément Homo sapiens. Son expérience lui fournit des impressions plus ou moins fortes, mais aussi de plus en plus diverses, puisque ses capacités naturelles augmentent en nombre et en acuité. Ce sont les tout premiers éléments de sa constitution physiologique qui influencent le plus sa vision du monde. Ce qu'il ressent avant même de pouvoir penser détermine en grande partie sa vision future des choses. Je finirai donc sur une citation de Rabelais. L'enfant n'est pas un vase à remplir, mais un feu à allumer. Merci. Donc, merci beaucoup Léa pour cette super intervention, super intéressante. Donc, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas à lui poser, c'est le moment. En attendant, juste pour vous dire, si vous voulez pour le lire, parce que là, je vous ai lu que des tout petits extraits et il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je peux vous donner les... Comment on dit ? Non, pas les coordonnées, justement. Les références, merci ! Les références du livre, c'est Le concept du continuum à la recherche du bonheur perdu de Jean Lidloff, édition Ambre. Il est disponible sur commande. J'en ai vu quelques-uns aussi en vente d'occasion sur Internet. Continuum, avec deux U. Jean, J-E-A-N. Lidloff, L-I-E-D-L-O-2-F. Bien sûr. Voilà. Donc, parlez-en autour de vous, ça fait partie de ces livres qui donnent envie de suivre son instinct, quoi, et qui montrent que on est loin d'avoir tout compris dans notre façon d'éduquer, très, très cadrée, avec beaucoup de règles, beaucoup de « il faut faire comme ci, faire comme ça ». Finalement, en fait, on se coupe de la base d'une éducation qui est la confiance, le partage, l'échange, l'écoute, et surtout... montrer à son enfant l'exemple en permanence. Et donc, la manière la plus simple, c'est de l'avoir toujours sur soi, sous le bras, ou comme... Et Et aussi, pas croire qu'il est en sucre et qu'il a besoin absolument d'un univers confiné, surprotégé. Au contraire, elle donne l'exemple dans ce livre de Amala et Kamala, deux enfants indiennes qui ont été retrouvées à l'âge assez jeune, vers 6 et 8 ans, quelque chose comme ça, et qui avaient, dès la naissance, été élevées par des loups et donc nourries au lait de louve. Et en fait, ces enfants, elles n'ont jamais réussi à réapprendre à parler, à marcher comme des humains, mais ni à se réadapter. Elles sont mortes assez jeunes. Mais en revanche, elles avaient une acuité visuelle de nuit dépassant toutes les moyennes humaines. Elles pouvaient sentir l'odeur de la viande à plus de 70 mètres. Elles avaient une agilité et des réflexes de fou. Enfin, c'était devenu des petites louves, quoi. Et donc, voilà, faut remettre les choses à leur place. Un bébé, il est là pour apprendre les choses et pour recevoir... ce qui lui permettra plus tard d'être un adulte conscient et éveillé. Et ça passe par le plaisir, surtout, et l'échange. Bon, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que tu as dit. Je trouve ça très intéressant et très juste. Il y a juste quand même quelque chose que je voudrais relever, c'est un peu pour alimenter le débat, hein, que dans notre vie actuelle, évidemment dans la forêt amazonienne, en Afrique, dans certains villages, on peut avoir son enfant en permanence avec soi, et je pense qu'en effet c'est une bonne chose. Mais maintenant il faut quand même voir dans le quotidien dans lequel on vit, les villes, le travail que l'on fait, on ne peut pas se trimballer le gamin sur soi en permanence quand on travaille, disons, à moins de faire un travail bien particulier, enfin je ne sais pas, même particulier, je pense que c'est pas facile du tout. Donc dans le contexte actuel moderne, Je vais vous citer un exemple pour répondre à ça. C'est l'exemple d'un couple d'amis qui ont une petite fille qui a un an et deux semaines maintenant et qui n'avaient pas lu le livre, ça leur parlait, mais quand je leur ai demandé, en l'occurrence, ils l'avaient pas lu, et qui ont décidé par eux-mêmes de fonctionner comme ça, à l'instinct, et de porter en permanence leur petite fille. Donc le relais s'est très bien passé entre la mère et le père, hein, y a pas eu de problème à ce niveau-là, l'enfant n'était pas « c'est maman », un enfant il prend ce qu'on lui donne. Si on l'habitue à être passé de main en main, y a aucun problème, du moment qu'évidemment, c'est pas de la maltraitance, évidemment. Donc entre le père et la mère, il y a eu un très bon relais qui s'est fait. La petite dort toujours avec eux. Ils ont de la chance parce qu'elle a un bon sommeil, ce qui peut poser problème également au niveau de dormir avec l'enfant, parce qu'elle en parle aussi énormément dans ce livre. Et il y a des témoignages au début du livre, parce qu'il y a une réédition en 1985. Ce qui peut poser problème, c'est que l'enfant se réveille trop souvent. Donc là, effectivement, c'est une autre question qui se pose. Mais bon, eux, ils ont de la chance. Donc leur fille dort toujours avec eux. Et pour ce qui est de la reprise d'une activité, donc c'est la maman a eu un temps de congé parental et puis après non rémunéré jusqu'à 8 mois parce qu'ils avaient préparé leur budget, etc. Ils avaient prévu une plage de disponibilité de 8 mois minimum pour la mère. Donc à 8 mois, elle a repris son activité. Le père travaillait lui depuis longtemps. Donc ça, le relais s'est passé à une nourrice qui a gardé la petite la journée. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que jusqu'à 8 mois, il y avait eu cette réponse et que déjà, ça, c'était pas mal. Donc même si après, avec la nourrice, le relais a été pris d'une manière un peu différente, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, la petite, elle fait trop plaisir à voir. Elle est, alors par contre, dès qu'elle est avec ses parents, elle est dans les bras. Hein. Ça, à un an, elle marche, elle gambade à quatre pattes. Mais elle peut pas encore suivre ses parents en marchant à pied, donc ils ont pas de poussette, ils l'ont toujours avec eux dans un porte-bébé. Et on l'a vu, moi je l'ai vu lors d'un après-midi gratiféria avec plein de potes, tout ça. Elle a pas moufté de la journée, le papa il était organisateur, donc il devait gérer beaucoup de choses, il a pu faire tout ce qu'il voulait tout au long de la journée, elle a pas moufté. À chaque fois qu'elle voyait quelqu'un, c'était à fond. Et elle voulait toucher tout, prendre tout, très très curieuse, très éveillée, très douce, très calme, très souple aussi. Ça, là, on parle beaucoup dans le livre, la crispation des bébés qui se débattent, qui cherchent, qui pleurent. Pour elle, c'est vraiment lié à ça, à ce manque, à cette attente qui n'a pas été comblée et qui, du coup, laisse place à cette réaction. Un bébé, Yekwana, est très souple, très calme, ne pleure pas. Sauf chouiner pour dire « Ah, j'ai faim !» Voilà, et puis ça s'arrête là. Donc en fait, finalement, dans notre contexte à nous, si on voulait bien laisser la place à ça, il y a déjà des entreprises qui le font. Bon, pour l'instant, c'est en poussette à côté du bureau, mais on peut essayer de faire avancer la chose dans ce sens-là. A priori, un enfant qui est porté, en fait, il se fait pas remarquer du tout. Il est très, très calme, très souple. Donc, si on voulait bien faire confiance et tester, on se rendrait compte que c'est pas du tout un handicap. Et puis, bah voilà, pour les personnes qui n'ont pas le choix, essayer d'en faire le maximum. Il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question-là. Je voulais dire que par rapport à, comment dire, une nourrice, c'est formidable et je pense que c'est bien comme relais. Mais après, si on va dans le contexte social, tout le monde ne peut pas se payer une nourrice pour garder son enfant. Et on tombe dans le problème que lorsqu'on a une grande famille et qu'on peut... Ah oui, mais c'est pas le même budget, je pense, d'être en crèche ou en nourrice. Enfin, moi, je parle pour mon expérience personnelle. Moi, je suis musicienne. Moi, j'ai pris ma fille en voyage. On a fait plein de choses avec elle. Mais voilà, on est artiste, on est musicien. On a pu avoir cette souplesse-là de l'amener en tournée avec nous et tout ça. Mais voilà, je me pense à toutes les personnes qui ont des qui travaillent dans des structures absolument normales, qui n'ont pas forcément un budget. Et en effet, je trouve que ça devrait être dans l'éducation, ça devrait être un relais de l'éducation, de permettre à tout le monde d'avoir la possibilité d'avoir cette proximité-là, puisque dans le quotidien, maintenant, le travail a changé. On ne travaille plus collectivement, on ne travaille plus dans cette façon qu'on travaillait avant dans les villages, et qui fait que les enfants, en effet, quand on voit en Afrique ou ailleurs, ils sont vraiment, effectivement, j'ai remarqué, joyeux, gentils, pleurent pas et sont pas du tout dans les caprices des enfants occidentaux qui sont dans un manque. Mais voilà, il faut aussi voir que, bien sûr, il y a des choses à pallier, mais il faudrait que ça soit pour tout le monde, que ça soit accessible à tous, ce que je pense. Ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. En même temps, je pense qu'il y a des... c'est intéressant de regarder d'autres cultures, tu vois, d'apprendre de cela. Ah, ok, plus fort. Je pense que c'est beaucoup lié à l'aliénation qui existe aujourd'hui. Le fait qu'on doit tous bosser très vite après quelqu'un qui est né. En Allemagne, je viens de visiter une copine qui habite en Allemagne. Là, ils ont un an d'office, les mères. Et puis, c'était aussi intéressant le Tagesvater, qui est en fait... quelqu'un, je ne sais pas s'il s'appelle nourrice en français, parce que je ne parle pas le français d'origine, mais c'est un processus de 3-4 mois qu'ils prennent, que les parents sont là, ils restent à bord toute une journée, puis ils restent moins de temps, etc. Donc c'est beaucoup plus lié à, je pense, une certaine confiance de collaborer, d'être là, d'être la présence. Et c'est ça qu'aussi elle a parlé, c'est la présence et d'avoir confiance dans le corps et dans les êtres humains. Qui est à la base, je pense, pour moi, d'un différent concept d'éducation. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les parents sont en compétition avec d'autres parents pour éduquer leurs enfants le meilleur possible, que ce soit des intelligents, qu'ils savent bien, etc., etc. Ce qui donne du stress aux enfants, à eux-mêmes. Et je pense que souvent, c'est ça, la vision sur quelle base est-ce qu'on éduque et comment est-ce qu'on... C'est où que la conscience vient, et c'est pour ça que je voulais simplement ajouter quelques réflexions, c'est que il y a d'autres branches de psychologie aussi intéressantes, comme Vygotsky en Russie, qui dit aussi que la conscience est née dans les relations qui sont faites, et c'est aussi dans l'activité, et c'est pas quelque chose qui est né simplement dans soi-même, tu vois, c'est vraiment entre l'activité, entre des humains. Et aussi la physicalité est très important là-bas, le fait d'être touché, tu vois, c'est quoi comment est-ce qu'on voit le corps envers des autres, ça. Et une chose, Bah ouais, je vais pas trop parler là-dessus, non. Mais c'est, il y a aussi d'intéressants développements en psychologie et dans la Russie dès les années 30 et puis après encore sur la physicalité, le rôle qui joue la physicalité dans les développements des humains et la conscience. C'est simplement ça ce que je voulais dire. Bah du coup, merci beaucoup pour ces ajouts. Et d'ailleurs, je veux bien relever ce dont tu as parlé, psychologie le russe. Et juste rappeler que cette histoire de crèche, de nourrice, etc., c'est la façon dont on voit l'éducation. Mais dans le livre, il n'est pas question de ça, et c'est très ce qu'a relevé madame à très juste titre, c'est qu'en fait, il s'agit de faire participer à tous les moments du quotidien le bébé, dans notre vie d'adulte. L'idée de ce concept de continuum, c'est que l'éducation d'un enfant ne passera pas par son infantilisation, mais au contraire par l'exemple montré d'un adulte et de ce que c'est que la vie d'adulte dès sa naissance. Et donc, concrètement par le fait de l'avoir toujours avec soi, quoi. Et effectivement, concrètement, aujourd'hui, c'est difficile dans le cadre du travail salarié, de certains, en tout cas, de certaines branches, parce qu'il faudrait que les lois changent, mais c'est aussi pour ça qu'on est là, je crois, parce qu'on est intéressé par le changement des lois. Donc voilà, je voulais amener cette idée-là, parce que c'est cette éducation-là qui me semble être la plus juste. Oui, je pense qu'il faut effectivement que les lois changent, mais beaucoup plus que les lois, toute une perception de l'enfance et de notre rapport à l'enfant qui n'a pas été toujours ce qu'il est aujourd'hui. Et il faut, quand on remonte dans l'histoire, je vous conseille de lire un livre de Philippe Ariès qui s'appelle « L'enfance à l'âge classique ». Et plus récemment publié le livre qui s'appelle L'abolition de l'enfance, pour l'abolition de l'enfance. Et ces livres traitent en fait, ils font la généalogie de notre rapport à l'enfant, comment on a traité l'enfant. Il faut savoir que au Moyen-Âge, le Moyen-Âge qu'on appelle comme ça de manière péjorative, en fait a été beaucoup plus respectueuse vis-à-vis de l'enfance. Dans le sens où ils lui ont fourni une responsabilité, une importance, une valeur, une implication dans la vie sociale. Voilà, l'enfant avait part à la vie sociale. Il n'était d'ailleurs pas considéré comme un enfant. On peut le voir les œuvres d'art. Les œuvres d'art, en fait, on traite l'enfant comme un adulte en devenir, un petit adulte. C'est-à-dire que ce concept d'enfance, en fait, il est assez récent, il date de la Renaissance. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, on en est venu à rejeter l'enfance dans une sorte d'imagerie marginale. Et aujourd'hui, avec Gabriel Ferry, aujourd'hui, l'école gratuite et obligatoire peut paraître un progrès. Mais elle est aussi digne de quelques critiques, parce que l'école gratuite et obligatoire, c'est ces structures sociales fabriquées pour mettre les enfants en dehors de la société, créer une sorte de mythe de l'enfance. L'enfance, d'ailleurs, qui rejoint celle de la femme. Hein, l'enfance et la femme, les femmes et les enfants d'abord. On vient d'une société patriarcale, hein, qui traite les enfants comme ils traitent un peu les femmes. C'est-à-dire de manière très respectueuse, mais d'un respect marginalisant, d'un respect ségrégatoire, je dirais même. Et donc les enfants n'ont plus part, comme les femmes, jusqu'à une certaine époque, ici, heureusement, on s'en est libéré, mais les enfants sont considérés un peu comme les femmes étaient considérées aussi avant qu'elles aient le droit de vote, c'est-à-dire comme des espèces d'êtres... angéliques, qui n'ont rien à voir avec les affaires du monde, qui ne doivent surtout pas se mêler à la politique, et qui ne doivent pas participer à l'organisation sociale. Donc on les relègue dans des structures faites pour justement les mettre à part. Ils ont une place à part, parce qu'ils sont idéalisés, mais en même temps marginalisés par cette idéalisation qu'on a d'eux. Et donc, c'est un rapport à l'enfance qui trahit un système, une mentalité patriarcale. Et donc voilà, je voudrais qu'on ne se précipite pas trop sur les réformes à faire dès aujourd'hui, mais plutôt qu'on songe à réfléchir sur la mentalité, d'où provient ça et qui nous a amené à ça. Ensuite, une fois qu'on aura mûri une réflexion historique, à mon avis, on pourra se pencher sur des réformes actuelles. Mais ça me paraît très précipité de dire non, c'est toute une mentalité qu'il faut fondamentalement réviser, tout un rapport. Voilà, c'est le but de mon intervention. Merci. Tu veux répondre quelque chose? Non, c'est beau. Oui, en fait, je vois pas bien en quoi c'est moins rigoriste et dirigiste d'avoir son enfant dans tous les actes de la vie quotidienne harnachés à soi. En quoi c'est moins dirigiste que des dires. Là, tu parlais tout à l'heure de la notion d'enfance. Est-ce que c'est pas aussi complètement supprimer cette notion même d'enfance que d'avoir l'enfant avec soi tout le temps, quoi? Est-ce que finalement l'enfant ne fait plus qu'un avec l'adulte et donc l'enfant n'existe plus? Enfin, ben en fait, je crois que l'enfant est enfant parce qu'il est enfant. Enfin, je veux dire, on est dans l'être à ce niveau-là, cette forme-là d'éducation. On est dans l'être. On est dans c'est ça impose une forme de rigueur, ça je suis d'accord, mais en revanche ça n'abolira pas l'enfance, ça abolira l'infantilisation. Faut faire la distinction entre enfance et infantilisme. C'est dans l'infantilisme on donne un rôle et une place à l'enfant en tant qu'enfant, alors qu'il est déjà un enfant, il n'a pas besoin qu'on le traite en tant que tel. Il est un enfant. En revanche, pour son évolution en tant qu'être à part entière et futur adulte, responsable et autonome, il a absolument besoin de l'exemple de la société. Et ce qui est de l'exemple des personnes qui l'entourent. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'elle donne envie de se pencher un peu plus sur les signaux et de croire un peu plus aux capacités de l'enfant à dire et exprimer à quel moment il a besoin de quoi et si notre comportement est adapté ou non. Et finalement, moi, c'est ce qu'a fait ma mère, hein, donc c'est pour ça que j'ai été particulièrement touchée. Elle a toujours fait attention à ses signaux, à ce que moi je lui renvoyais. Et c'est comme ça qu'elle a improvisé une éducation. Elle n'a pas du tout suivi l'éducation de ses propres parents. Elle n'a pas du tout écouté ce que lui conseillaient les gens, parce qu'elle était plutôt assez rebelle. Elle a vraiment fait au feeling et en observant. Et j'ai été une enfant. J'ai vu et participé à énormément de choses, elle m'a fait confiance sur énormément de choses, y compris des choses dangereuses. Par exemple, le matin, reposée, bien alerte, je pouvais manipuler des ciseaux à un an. Elle me laissait faire sous surveillance, bien sûr, mais elle me laissait faire parce qu'elle m'expliquait que c'était dangereux et qu'elle avait confiance dans le fait que j'allais pas me laisser si j'étais suffisamment guidée. En revanche, le soir, fatiguée, énervée, non, il n'y avait pas de ciseaux qui tiennent. Mais elle a su adapter ce que moi je réclamais comme expérience. Elle a su l'encadrer de sorte à créer une protection pour moi sur ce que j'étais pas capable de faire moi-même. Mais en me permettant, dans ce cadre protecteur, de vivre un maximum d'expériences possibles, y compris des choses qui lui faisaient peur à la base. Elle a dépassé un peu ses peurs pour que je puisse vivre un maximum d'expériences et m'enrichir dès le plus jeune âge pour finalement très rapidement pouvoir évoluer et ne pas avoir, à partir du moment où elle m'aurait fait confiance à 18 ans, avoir à rattraper des trucs que j'aurais fait à 4 ans sinon. Et puis hop, à 4 ans, c'était réglé. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui en sont à des 16 ans, 18 ans, à être dans la recherche de l'expérimentation d'un truc qu'un enfant de 4 ans, enfin qu'ils auraient dû vivre à l'âge de 4 ans et puis passer à autre chose, quoi. Parce qu'ils ont été infantilisés, trop sécurisés, ouais, et déresponsabilisés. Donc je ne crois pas qu'on puisse ôter l'enfance d'un enfant en l'accompagnant à devenir adulte. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? Très court, simplement ajouter le truc du point de vue historique, c'est la séparation entre le jeu et le travail, ce qui est aussi lié à ça, je pense que les enfants, c'est comme les enfants peuvent jouer et puis les adultes doivent travailler. Et après un certain âge, ça doit être rigoureusement séparé, tu vois. Alors que je pense que quand tu donnes beaucoup plus de confiance aux enfants, en soi-même, en toi-même, c'est, la division, elle n'est pas rigide, tu vois, parce qu'ils sont incompris dans l'activité d'une société ou d'une communauté. Et ça permet d'avoir des autres rapports, je pense. Simplement que ça que je voulais ajouter, que c'est aussi une séparation qui est faite assez récent, qu'au Moyen-Âge, tu vois, ils étaient aussi beaucoup plus dans le travail, mais ça permettait aussi encore impliquer dans la vie sociale, mais ça permettait encore toujours de faire des jeux, tu vois, et y compris aussi l'adulte. Et c'est ça que, ça c'est aussi l'infantilisation qui encourage cette séparation-là, c'est tout. Je voudrais juste parler de quelque chose, bon, qui n'est pas l'enfance, mais qui est juste après, enfin, dans notre chronologie mentale, l'adolescence. L'adolescence, en fait, il faut savoir que c'est un concept qui est très récent. Le mot même adolescence est très récent. Il date du 19e siècle. Et moi, je soupçonne que, en fait, la crise, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, hein, qu'on a, j'espère, tous vécu, en fait, elle découle justement d'une marginalisation, d'un temps très long de marginalisation de l'enfant, de cet être, en fait. Parce qu'il faut savoir aussi que le terme enfant est très récent, mais avant, on considérait que l'enfant était enfant entre 1 et 3 ans. 1 et 6 ans. Ensuite, il commençait à être un adulte en devenir. Mais bon, bref. La crise d'adolescence naît donc de ce fossé qui a été créé entre l'enfant, l'image, en tout cas, qu'on a créé de l'enfant, marginal, dans une innocence, dans une pureté, dans une... comme angélique. Et tout à coup, on va lui dire, stop, sors de tes rêves, sors de ce monde qu'on a créé de toutes pièces pour toi, en fin de compte, et maintenant, responsabilise-toi, maintenant. Et donc, du coup, c'est un revirement brutal entre cet univers onirique, limite, de l'enfance, sur la réalité effective, économique, sociale, politique. Voilà, l'enfant, à un moment donné, il se retrouve en face du monde. Hein. Et ben, moi, j'ai envie de dire, voilà, comment vous voulez qu'il n'y ait pas de crise d'adolescence à partir de là, quoi. On vous cultive des jolis rêves, on vous crée tout un univers pour certaines personnes, hein. Les Français, il y a des enfants qui connaissent la dureté de l'existence très tôt, hein. Pas en France, on sait très bien dans les pays d'ailleurs, et même en France, il y en a aussi qui connaissent la dureté de l'existence très tôt, mais pour ceux qui vont basculer d'une réalité, de ce mythe de l'enfance à la réalité sociale, oui, il y a la crise d'adolescence. Voilà. Oui, si je puis me permettre de relativiser un peu ce qui est en train d'être dit, moi je ne trouve pas que les enfants soient à ce point protégés dans un monde onirique ou quoi. Voilà, Bon, déjà, je rappelle quand même que les premières violences qui s'exercent de nature patriarcale sont sur les enfants. Plus d'un quart des viols en France sont faits par papa, tonton, beau-père, voilà. Et que aussi, très vite, que ce soit à l'école et tout, les espaces sont très socialisés, politisés, avec très tôt des campagnes de bisoutage, de slut-shaming. Donc je pense que les enfants, finalement, apprennent assez vite la dureté de la vie, mais ils n'ont pas les moyens de la rapporter, de l'exprimer, de le dénoncer. Donc en général, quand ils sont victimes de violences à l'école de la part d'autres enfants, c'est un peu leur petite misère qu'ils auront du mal à mettre en mots, finalement. Et par contre, l'exploitation du travail des enfants perdure encore dans une très très grande majeure partie de nos sociétés. Et par exemple au Maroc, vous voyez partout, moi je suis marocaine, c'est pour ça que j'ai dit ça, des enfants qui travaillent dans la rue, qui cirent des pompes. Le système prostitutionnel, pour évoquer ça, l'âge d'entrée moyen dans le système prostitutionnel est de 14 ans, donc ou bien plus âgé ou bien plus jeune. Donc voilà, je ne trouve pas que les enfants soient à ce point épargnés. C'est sûr qu'il ne faut pas les surprotéger, mais c'est sûr qu'il faut essayer vraiment de voir quels sont leurs droits, parce qu'ils sont sous tutelle de leurs parents, qui ne sont pas des parents idéaux, qui peuvent être violents, qui peuvent être cruels, et avec encore une cellule patriarcale très pyramidale. On a la légitimité de battre ses enfants, de les maltraiter, parce que c'est pour le bien de leur éducation. Et en plus, j'ai l'impression que ça revient vachement en ce moment, la légitimité, en réaction un peu à toutes les lois contre la fessée ou quoi. La légitimité, après tout, de donner l'éducation qu'on veut à ses enfants, à la dure ou à la faible, selon ses propres idéaux d'adulte. Oui, du coup, c'est une intervention qui s'est un tout petit peu décalée du sujet d'origine, mais c'est parce que je crois que vous n'étiez pas là pendant l'exposé. C'était justement sur l'éducation, en fait, un livre qui parle de l'éducation, l'éducation instinctive. Et justement, en fait, c'est très vrai, du coup, ce que tu dis. Et si moi je suis venue aujourd'hui faire cet exposé sur ce livre pour parler d'une éducation instinctive où le bébé est porté dès sa naissance, etc., où il est tout de suite mis dans le bain d'une vie d'adulte avec les adultes autour de lui, c'est ça le propos du livre. Faudrait que je refasse l'exposé, donc je vais juste te le passer et puis tu pourras le feuilleter. Finalement, ça permet aussi aux enfants d'avoir les moyens. Quand tu as parlé de moyens, dans ce monde dur, ils n'ont pas forcément les moyens. Et bien justement, quand on a des bases affectives solides, quand on a eu la chance, comme c'est mon cas, d'avoir eu cette éducation dans le cadre du continuum, voilà, que j'ai expliqué pendant l'exposé, en fait, on a les moyens de se défendre. On a une base affective qui est inébranlable. On sait qu'on est, on sait pourquoi on est, on sait. On est juste dans cette certitude d'aller en soi. Et quoi qu'il se passe autour, on a toujours les moyens de se relever, parce que des tartes, j'en ai pris quand même. Et j'ai toujours eu les moyens de me relever. Voilà. Ça a pris parfois plus de temps, mais ça m'a donné une force, en fait. Et c'est pour ça que je suis vraiment très attachée à cette façon de voir, et que je trouve ce livre très pertinent. Parce que, dans mon expérience, oui, on s'est un tout petit peu écarté. Voilà. Encore une fois, est-ce que ça dérange des gens d'être filmés ? Il y a un monsieur là qui filme pour faire un documentaire. Est-ce que des gens ne veulent pas paraître sur la vidéo ? Vous ne voulez pas ? Voilà, d'accord. Restez décalés comme ça, et puis on filmera à côté. Je vous remercie. Pour conclure, évidemment, ce que je vous apporte là, ça tombe un peu comme... voilà. Moi, j'ai lu un super bouquin. Allez, on change le monde. Je vous invite quand même à le lire, vraiment, et surtout à le partager aux futurs parents que vous avez autour de vous. Parce que ces futurs parents, s'ils ont des idées comme ça, ils vont tout de suite se heurter à... Parce que c'est le cas, j'ai une amie qui a 18 ans, qui est enceinte. Bon, voilà, c'est la vie. Et donc, je vais tout de suite parler de ce livre, je vais tout de suite parler de mes convictions. Et elle s'y est tout de suite retrouvée, elle, alors que son éducation a été assez dure. Pas de papa, tout ça. Enfin, même pire que ça. Et elle s'est tout de suite retrouvée et elle s'est tout de suite heurtée à... Oui, mais tu vas être esclave de ton enfant. Les enfants, les bébés sont des manipulateurs. C'est toi le maître. Ça, elle l'a vu et entendu déjà, alors qu'elle a même pas encore accouché des dizaines de fois. La mère de ma demi-sœur, c'était pareil. Ma mère, c'était pareil. Sauf que ma mère, elle en avait, mais alors, mais rien à foutre. Et et du coup, vraiment, ce livre, il offre un bon appui quand on a cette sensation que c'est comme ça que doit être l'éducation. Et c'est un bon encouragement et il est très bien développé. Donc voilà, je vous recommande vraiment, si ce sujet vous intéresse, de vous le procurer et d'essayer d'aller dans ce sens au maximum, parce que oui, on n'est pas dans une société qui est dans ce rythme, qui est dans ce mouvement-là, cette dynamique. Oui, on a des débats sur les droits de l'enfance, etc., qui vont aussi loin dans les problématiques actuelles. Et on est parfois à 10 000 lieues de pensée, ne serait-ce qu'à ça. Mais pour moi, c'est la base. Et c'est la base de l'éducation. C'est les bases, c'est ce qu'on reçoit dès la naissance. Et comme elle le dit très bien, et que j'ai cité, que j'ai lu du livre, c'est ce que ressent l'enfant avant même d'être capable de penser qui va déterminer sa vision future du monde. Voilà.